Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. Mars Attaque. Ou les 5 jours qui ébranlèrent le salon du livre. Un feuilleton d'Iris Dreyer. En direct du studio 111. Deuxième épisode. Previously, dans Mars Attaque. Au cours du premier épisode, nous avons découvert, en même temps que son éditeur Julien Després, le référé intenté pour plagiat par une jeune Québécoise, Bianca Mars, à l'écrivain Stanislas Norvid, auteur du célèbre roman « Septembre rouge ». Quant à Jean-Pierre Peucher, challenger du précédent et lauréat du prix Goncourt, il vient de voir son livre « Sous un ciel de traîne » adapté en bande dessinée. Oui, je me trouve actuellement en direct de Paris Livre. Nous voici à quelques encablures temporelles de l'ouverture des portes. Beaucoup de journalistes autour du palais des expositions de la Porte de Versailles, ici où se tient la manifestation annuelle la plus importante pour l'édition. Alors, autour de moi, beaucoup de cars de CRS, des gendarmes, des soldats en treillis, on voit beaucoup d'armes, beaucoup de caméras et le petit peuple de l'édition qui continue à s'affairer. Au stand des éditions Phylactère, sur des affiches géantes représentant des vélociraptors et des héroïnes de manga, Jean-Pierre Peucher décolle une à une les pastilles dorées sur fond rouge de la taille d'une roue charrette collée sur la BD. Il est aidé dans cette pénible tâche par sa fidèle admiratrice, Sidonie Welbeck, désormais éditrice. Je suis vraiment désolé, Sidonie. Je vous fais perdre votre temps avec ces sottises. Ah, ça colle bien, ces saletés. Hein. À l'image du marketing qu'on nous impose, en tentant de nous faire croire que c'est efficace. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, ça ne se détache pas facilement. Pourtant, le directeur commercial m'avait assuré que ça partait tout seul. Mais les arrête. Surtout pas la réalité. Je suis de plus en plus convaincu que les directeurs commerciaux et les directeurs de marketing comme les politiques sont totalement déconnectés de la réalité. Ne soyez pas poujadiste, Jean-Pierre, ça ne vous va pas. Déconnectés au point de ne pas savoir si une pastille colle ou pas. Ils considèrent que leur parole est autoréalisatrice. Donc quand ils disent que ça colle, ça colle. Et si ça colle pas? Eh bien ça colle quand même. Vous aimeriez pas vous mettre à un roman graphique? Un genre Quai d'Orsay? Ce serait génial, non? Sur ce monde-là, le marketing. Ce serait passionnant. Ah, allez, on finit le boulot. L'heure tourne. Les allées vibrent de cet air particulier qui remplit les poumons à quelques minutes d'un événement. Sidonie et Jean-Pierre décollent les dernières pastilles dorées. Au même moment, Julien Després, le directeur des éditions du Bac, a convoqué Stanislas Norvid dans son bureau pour une réunion de crise en présence de maître Georges Morand, l'avocat de la maison d'édition, qui tient tout d'abord à féliciter Stanislas Norvid pour son roman « Septembre rouge ». C'est une des belles consolations de ce métier que de nous faire découvrir des œuvres qu'on n'aurait certainement pas eu l'opportunité de lire en dehors de ces circonstances. Et je dois dire que j'ai été emporté par votre style, certaines de vos fulgurances. Oui, enfin bon, c'est un livre écrit en prison. Alors forcément, ça lui donne... Non, mais peu importe où il a été écrit, il faut dépasser ça. Il serait même préférable de ne pas mentionner cet aspect des choses à l'audience. Vous me comprenez? Oui, oui, je crois. Parce que j'ai vraiment eu le sentiment, en vous lisant, d'avoir affaire à un écrivain de tout premier plan. Ah, c'est le bon conte, c'est le bon conté de la chose. Il est toujours plus intéressant, je ne dis pas facile, mais plus intéressant de défendre des personnes qu'on estime, notamment des artistes, et encore plus quand il s'agit d'écrivains de valeur, que des gens pour lesquels on n'a pas de considération. Moi, je parle pour l'avocat, mais croyez-le, c'est aussi vrai pour ceux qui vont avoir à juger. Mais ça compte. Alors pour l'instant, essayons de nous focaliser sur les faits. Donc j'ai étudié le dossier cette nuit, je l'ai repris ce matin. Mais nous t'en remercions, Georges. Alors, je dois vous dire tout de suite que la partie n'est pas gagnée d'avance, elle se présente même assez très mal. Voilà, donc je prends La première pièce du dossier qui, d'après l'avocat de la partie adverse, est une photocopie d'une des premières lettres que la plaignante vous aurait adressée. C'est laquelle ? Alors, vous permettez que je la lise ? Bah oui, allez-y, oui. Mon amour, il y aura toujours une partie de mes lettres que tu liras vraiment avec ta peau. Pardonne-moi de t'écrire avec autant de naturel. Je ne suis si loin de toi que pour arriver plus sûrement à t'envahir sans te toucher. Hier soir, j'ai eu soudain une impression étrange, extraordinairement douce. C'était comme si ton corps m'appartenait. Le cœur me battait et je descendais lentement vers toi comme on va porter à boire à un prisonnier. Alors maintenant, dans votre livre, voilà, donc page 45, je lis... Hier soir, j'ai eu une impression étrange, extraordinairement douce. C'était comme si ton corps m'appartenait, le cœur me battait, je descendais, etc., etc., etc. Mais c'est mot pour mot la même chose, Stan. Pourquoi tu fais ça ? Elle a les preuves. Les preuves de quoi, cher ami ? Elle a les preuves de quoi ? Les preuves qu'elle les a écrites avant, et pas copiées sur mon livre après coup. Ben oui, bien sûr. Elle a fait expertiser son journal dans lequel figure ce qui servait de brouillon à ses lettres, il n'y a pas de doute. On est coincé. Mademoiselle Mars a également gardé vos lettres qui répondent explicitement aux siennes puisqu'elles contiennent des références à vos envois. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Stan ? Je comprends pas. Alors le problème, si je peux me permettre, ce n'est pas tant l'exactitude des reprises que leur fréquence. Et au bout du compte, je veux dire... En mettant bout à bout les 57 citations, on arrive à une vingtaine de pages du roman. Oui, les plus mauvaises. Alors, on ne discute pas la valeur intrinsèque des passages. Mais il le faut, car toute la question est là. C'est pour ça que je les ai reproduites. Parce qu'elles montrent la bêtise de cette fille. Et ce sont des phrases archi-banales, convenues, n'importe qui aurait pu les écrire. On peut les trouver émouvantes. Elles sont nulles. Tu aurais pu en inventer d'autres, tout aussi nuls, mais qui t'appartiennent. Mais c'est justement ce que je ne sais pas faire. On ne peut pas demander à Picasso de dessiner comme un enfant, il n'y arrivera pas. Alors j'ai procédé comme les surréalistes, avec les collages. Pour rendre compte de la laideur, il faut emprunter à la laideur ses codes, ses images. La laideur est inimitable. Mais moi, je ne vous juge pas, monsieur Norvitt. J'essaie de savoir comment on peut organiser notre défense. Oui, j'ai compris que vous étiez mon avocat, oui. Et celui de la maison. Je voudrais vous poser une question. Oui, allez-y. Oui. Alors, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la morale. Mais si vous pensiez que ces lettres étaient indispensables, si j'ai bien compris... À la crédibilité de votre roman. Oui, vous m'avez très bien compris, la crédibilité. Voilà. Tout est là. Ce que recherche un écrivain, c'est ça. Pas la propriété, on s'en fout. Arriver à faire croire. Bon, très bien. Alors, puis-je vous demander pourquoi vous n'avez pas cherché simplement à obtenir l'accord de cette jeune femme, avec laquelle vous étiez apparemment en bon terme ? C'est peut-être contradictoire en apparence, mais autant je devais restituer ses mots, ses écrits, autant il me fallait... J'avais besoin de m'approprier ces discours. Te faire croire à toi-même que tu les avais écrits. Oui, si tu veux. C'est un déni de réalité auquel le juge se plaira de vous confronter. Mais il ne peut pas y avoir que ça. Il peut y avoir quoi, maître ? Le silence se fit dans le bureau de Julien Després. Cette salope m'a piégé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je le sens. Sois honnête, Stan. Ne nous enfonce pas davantage. Développez votre idée, monsieur Norvid. C'est intéressant. Mais j'ai l'impression qu'elle a tout prévu depuis le départ. Et tu t'en rends compte maintenant ? Eh oui. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est elle qui m'a écrit, je la connaissais pas, je lui ai rien demandé. C'est tout à fait exact. Elle savait que j'allais me servir de ce qu'elle m'envoyait. Je suis écrivain. Je suis pas curé ou médecin. Il y a pas de secret professionnel. Ah ça non, ça serait même plutôt l'inverse. Oui bon elle le sait et puis elle m'a piégé, voilà. Notre ligne de défense prend une certaine consistance tout à coup. Vous avez gardé les originaux des lettres de cette femme, appelons-la désormais la manipulatrice pour nous habituer. Hein. Oui, je dois les avoir, faut que je vérifie. Ah non, c'est important, Stan. Oui, bah vous les voulez tout de suite ou quoi? Va les chercher, Stan, s'il te plaît. Vous êtes certain de ce que vous faites, maître? Non. Mais la situation étant désespérée, il faut bien tenter quelque chose. Au salon du livre de la Porte de Versailles, rebaptisé Paris-Livre, les éditions Phylactère ont installé des piles de leur album phare. La bande dessinée, adaptée du roman de Jean-Pierre Peucher, Sous un ciel de traîne, prix Goncourt 3 ans auparavant. Mais qui s'en souvient? L'auteur du texte attend le client, inconfortablement installé derrière une table. Franchement, Jean-Pierre, ça valait pas la peine de faire tant d'histoires pour cette pastille. Vous savez, c'est juste de la publicité. Vous avez raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Un accès d'orgueil. Je suis un imbécile. À mon âge, je n'ai aucune excuse. Ah, c'est lui qui appelle. Alexandre. Répondez, Jean-Pierre. Le jeune dessinateur de ce merveilleux album. Allons, Jean-Pierre. Vous savez que sans vous, cet album n'existerait pas. Il est jeune. 25 ans. Il a votre âge, c'est Denis. 27, Jean-Pierre. Allez, tenez. Oui, pardon. Allô? Oui, moi, JP. Alors, comment ça va là-bas? On vous attend, Alexandre. Eh ben, alors justement, je vais pas venir. Ah, et pourquoi? Ben, franchement, ça me gave. Ça vous gave? Ça le gave de venir? Hein? C'est dommage. Vous êtes annoncé partout. Vous êtes très attendu, Alexandre. Et je sais, mon vieux, mais bon, si vous voulez, j'ai pas le temps à perdre avec ce genre de choses. À mon âge, j'ai quand même autre chose à faire que de signer des albums pour des visiteurs de salon qui comprennent que dalle à la bande dessinée. Oui, c'est une façon de voir les choses. Mais je fais quoi, moi, quand tous ces gens qui ne comprennent rien à la bande dessinée vont me demander de signer notre album? Eh ben, vous signez pour moi. C'est plutôt cool, non? Un petit bonhomme sous un ciel de traîne. Vous savez faire ça, des petits bonshommes, non? Ils se moquent de moi. Je vous le passe. Alexandre? Oui. Bah, c'est pas très sympa pour Jean-Pierre et pour vos fans. Écoutez, ça va, j'ai passé l'âge de me faire gronder, hein. Alors, big kiss, à plus. Il est vraiment pas cool, ce garçon. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un artiste, quoi. Et moi, je suis quoi? Un clown? Oh, Jean-Pierre. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, madame. Vous avez une question à propos de cet album? L'album, non. Vous savez où sont les toilettes? Ah, oui, oui, ça, c'est important, ça, les toilettes. Alors, prenez l'allée centrale, toujours, toujours tout droit. Vous verrez, c'est écrit « Stand Gallimard ». Vous pouvez pas le rater. Là, ils vous indiqueront. C'est eux qui savent. Ah bon? Et vous faites quoi, vous? On est payé à rien foutre, madame. Oh, Jean-Pierre! Nous vendons des albums de bande dessinée, madame. Nous sommes une nouvelle maison d'édition. Tenez! Ne vous fatiguez pas, Sidonie. Elle est partie. Oh. Qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Pierre? J'ai l'impression que notre stand est mal situé, Sidonie. Les gens nous confondent. Nous sommes sur le passage, une très bonne visibilité. Il y a des inconvénients, mais nous sommes là pour la journée, Jean-Pierre. Mmh. Il va falloir tenir le coup. Je ne sais pas si je vais pouvoir. C'est alors que nous assistons à l'entrée de Bianca Mars au Salon du Livre. Une fois le contrôle franchi, elle se tourne vers l'homme qui est assis là, derrière ses piles d'albums, Jean-Pierre Peucher. Je suis en recherche d'une édition du Bach, Stanislas Naoui. Tu l'as-tu pourvu par hasard? Par là, mademoiselle. Prenez l'allée centrale, c'est à droite, et surtout revenez si vous êtes perdu. Bianca Mars s'engage alors dans l'allée centrale, suivie de son avocat qui ne sait comment contenir l'enthousiasme de la foule au passage de sa cliente. L'allure et la démarche de Bianca Mars attirent les regards des visiteurs du salon, guère habitués à rencontrer des créatures pareilles ailleurs que dans l'imagination de leurs auteurs préférés. Un jeune lycéen, plus courageux que les autres, interpelle la Canadienne. Madame, c'est vous qui êtes passée chez Ruki l'autre soir? Hey, wow, je viens d'arriver, tu sais, j'ai eu le temps de rien. Mais si tu me dis que c'est bien, j'irai chez Ruki. C'est un bon restaurant? Je sais pas, mais vous allez y passer? Oui, pourquoi pas, là? Parce que toutes les stars passent chez Ruki. Et comment sais-tu que je suis une star? Parce que je reconnais les stars, moi. Je suis un fan de toutes les stars, je les adore. Tu veux-tu un autographe, c'est ça? Je suis pas de stylo, mais tu vas voir, on va s'arranger. Allez, soulève ta manche, je vais écrire ça avec mon rouge. Tu veux-tu? Je sais pas, je pourrais faire un selfie. Je fais une collection de selfies avec les stars, j'en ai 73. Tu ferais mieux de te branler, mon petit. Mais non, je plaisante. C'est quelle usostie. Allez, Comment tu t'appelles-tu? Jean-François Josselin. Ah, Jean-François Josselin, le fan des Stars. C'est quoi votre nom? J'arrive pas à lire. Bianca Mars. Bianca, comme Bianca Jagger. Tu connais-tu Mick Jagger? Pas très bien. Écoutez, je vous en prie, nous ferions mieux d'avancer, Bianca, s'il vous plaît. Et Mars, comme le mois de Mars, comme Mars, le dieu de la guerre. Comme la planète Mars. Ah, vous avez oublié les barres chocolatées. À coup de barre, Mars et ça repart. Hein? Enfin, bon, allez, venez, il y a un débat sur la littérature coréenne au stand de France Culture. France Culture? C'est la station culturelle de la radio publique. L'esprit de Bianca Mars se met à tourner à toute vitesse. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle se présente devant l'entrée du studio de France Culture. Le rouge est allumé, mais elle entre, tirant son avocat par la manche. Où est-il? Je suis le réalisateur de l'émission. Nous sommes en direct, alors si vous voulez bien sortir, messieurs, dames. Oui, vous voyez Bianca, on dérange, venez. J'ai un scoop. Sortez tout de suite ou j'appelle la sécurité. Non, absolument, absolument, on s'en va. Je vous l'avais bien dit, Bianca, il faut laisser ces gens travailler, allez, venez. C'est au sujet de Stanislas Norwid. Hein? Ah, le nom fait son petit effet, à ce que je vois. Qui êtes-vous, madame? Bianca Mars. Je suis victime d'un grand plagiat commis par Stanislas Norwid. Tu sais, cet écrivain qui a failli assassiner sa maîtresse? Oui, bien sûr. Bah, c'est un escroc. M'a tout piqué. Les lettres, les télégrammes, toutes. C'est moi qui ai écrit la moitié de son livre. Vous êtes la Gloria Avril du roman? Gloria Avril, bien sûr que c'est moi. Elle a changé le nom du mois, mais c'est moi. Mars, avril, septembre rouge, tu piges? Vous voulez nous raconter ça à l'antenne? Ah non, elle veut pas, c'est juste pour vous informer. Maintenant, on s'en va. Si, ça nous intéresse. Non, monsieur, ne faites pas là-bas? Ça. Écoutez, c'est pas possible. Bianca, je vous défends de parler. Je vous défends parce que... Bon. On va faire un essai de voix. Parlez bien devant le micro. Avec l'accent québécois ou ça? Comme vous le sentez, madame. Non, Bianca, arrêtez, Bianca, c'est pas possible. Je vous assure que nous allons vous retrouver. Et comment tout ça a commencé? Exactement. Comment tout cela a commencé, Bianca Mars? Comment tout ça a commencé? Vous voulez le savoir? Ben, c'est très simple. Terriblement simple. C'est l'histoire d'une petite Québécoise qui lit des livres des grands écrivains français trop à mode. Puis, comme j'avais tellement aimé son livre, à M. Norwid... L'amour est mort. Tout à fait. J'aurais dû me méfier avec un titre pareil. Mais non. Je lui ai écrit pour lui dire ma flamme, pour son livre. « J'aime, l'amour est mort ». Je lui ai écrit ça. Paradoxal, hein? Puis quand il s'est retrouvé en prison, j'étais tellement malheureuse, mais tellement, vous pouvez pas savoir. Alors je lui ai dit que j'étais malheureuse. Et il m'a répondu. Mais une lettre, là, que je m'en souviens encore. Juste la douceur, cet homme-là, avec la façon qu'il écrit, vous pouvez pas penser le diable qui se coche en lui. Il m'a écrit et je suis tombée positivement amoureuse de lui. Je l'assume, là, j'ai point honte, même si je me mords les doigts jusqu'aux os aujourd'hui. Et des lettres. J'y ai mis tout mon amour de jeune fille que j'étais encore, naïve, dans ma province reculée du Québec, toute baba de recevoir des lettres d'un écrivain français que j'adore. Et puis là, tout d'un coup, plus de nouvelles. J'écris, plus rien en écho, le silence de la mer. Vous me demandez pas ce que j'ai ressenti? Qu'avez-vous ressenti, Bianca Mars? De la tristesse. Mais profonde, là. Vraiment profonde, que je peux pas vous dire. Pas loin du désespoir. Puis après, je me suis fait une raison, tu sais, avec le temps. J'ai arrêté d'écrire dans le vide. Et voilà que le livre sort. Et j'apprends qu'il est sorti de prison presque en même temps que son livre. Fait que je cours à la librairie pour l'acheter. Enfin, je parle de son livre, là. Septembre rouge. Exactement. Septembre rouge. Je tourne les pages. Oh! Mais là, je vous dis, là, tout y était, absolument tout. J'en étais comme malade à l'intérieur de moi, dans mon sexe, dans mes bras, dans ma nuque. Ça me faisait mal aux dents, partout. Je tremblotais tellement que le libraire m'a fait m'asseoir, pas loin de la syncope, là. Pas moins que ça. Est-ce que c'est permis de faire ça? De voler des textes, des lettres, tout ce qu'il y a de plus intime, sacré, c'est la vie privée, ça me semble, non? Je vous le demande, là. Tu sais, qu'est-ce que vous auriez ressenti à ma place? Vous pourriez nous lire quelques extraits des lettres que vous avez écrites? Pour la comparaison, ça va être facile. Je suis là pour ça, j'ai tout photocopié. Mais ça, il savait pas. Il me prenait pour une je sais pas trop quoi, là. Mais toutes les lettres, je les ai. C'est pour ça qu'il est coincé. Je vous lis ma lettre. Oui. Mes cheveux environnaient de parfum ton visage. Tes yeux étaient fixés sur ma nuque si blanche. Tes mains ne me dévêtaient pas tout à fait, mais à travers mes vêtements, mon corps semblait s'appuyer à elles et venir à leur rencontre. Et tu avais un peu de mon être qui se donnait à toi, timidement. T'étais sensible à la délicieuse douceur d'éveiller dans mon corps des velléités d'abandon. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Et voilà ce que je lis dans le livre de Monsieur Norwid. Mes cheveux environnaient de parfum ton visage. À suivre. Mars attaque. Ou les cinq jours qui ébranlèrent le salon du livre. Un feuilleton d'Iris Dreyer. Deuxième épisode. Avec Vincent Grasse, Olivier Creveillé, Pascal Collin, Pierre-Félix Gravière, Noémie Landreau, Thibaut de Montalembert, Clémentine Verdier, Grégoire Osterman, Julien Alouf, Pierre Osda, Michael Delis, Alice Buteau. Et les voix de Barbara Bolotner, Simon Bourgade, Thaïs Lamotte, Zelda Pérez, Véronique Vielle, Christina Crévillienne, Géraldine Sageman, Modeste Nzapasara, Henri Le Guen, Bachir Tlili, Hector Manuel et Alexandre Ridel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Cédric Ossire.